Alors le frère Isidore voulut parler, mais il ne le put, et il se contenta de dire péniblement à sa sœur « Marthe, raconte donc l'histoire de sœur Dorothée que le curé de Saint-Sauveur nous a dite. »« Sœur Dorothée, » commença gauchement la paysanne, « se leva un matin avec une jambe engourdie, et à partir de ce moment, elle perdit la jambe, qui devint froide et pesante comme une pierre. Avec ça, elle avait très mal dans le dos. Les médecins n'y comprenaient rien. Elle envoyait une demi-douzaine qui lui enfonçait des épingles et lui brûlait la peau avec un tas de drogue. Mais c'était comme s'il chantait. Sœur Dorothée avait compris que seule la Sainte Vierge trouverait le remède. Et la voilà qui part pour Lourdes. Et la voilà qui se fait mettre dans la piscine. D'abord, elle crut bien en mourir tant c'était froid. Puis l'eau devint si douce qu'elle lui sembla tiède, délicieuse comme du lait. Jamais elle n'avait trouvé quelque chose de si bon. Ses veines s'ouvraient et l'eau y entrait. Vous comprenez, la vie lui revenait dans le corps, du moment que la Sainte Vierge s'en était mêlée. Elle n'avait plus le moindre mal. Elle se promena, mangea tout un pigeon le soir, dormit toute la nuit comme une bienheureuse. Gloire à la Sainte Vierge, reconnaissance éternelle à la Mère puissante et à son divin Fils. » Élise Rouquet aurait bien voulu placer, elle aussi, un miracle qu'elle savait. Seulement, elle parlait si mal avec sa bouche déformée qu'elle n'avait pu encore prendre son tour. Il y eut un silence, elle en profita, écartant un peu le fichu qui cachait l'horreur de sa plaie. Oh, moi, ce qu'on m'a raconté, ce n'est pas à propos d'une grosse maladie, mais c'est si drôle. Il s'agit d'une femme, Célestine Dubois, qui s'était entrée une aiguille dans la main en faisant un savonnage. Pendant 7 ans, elle la garda, aucun médecin n'étant parvenu à la retirer. Sa main, qui s'était contractée, ne pouvait plus s'ouvrir. Elle arrive, elle la plonge dans la piscine, mais tout de suite elle la retire en jetant des cris. On la remet de force dans l'eau, on l'y maintient pendant qu'elle sanglote, la figure couverte de sueur. 3 fois on la replonge, et l'on voit chaque fois marcher l'aiguille qui sort enfin par l'extrémité du pouce. Naturellement, si elle criait, c'était que l'aiguille marchait dans sa chair, comme si quelqu'un l'avait poussée pour l'ôter. Jamais plus Célestine n'a souffert. Sa main n'a gardé qu'une petite cicatrice, à la seule fin de montrer le travail de la Sainte Vierge. Cette anecdote produisit plus d'effet encore que les miracles des grosses guérisons. Une aiguille qui marchait comme si quelqu'un l'avait poussée. Cela peuplait l'invisible, montrait à chaque malade son ange gardien derrière lui, prêt à l'assister sur un ordre du ciel. Puis, comme cela était joli et enfantin, cette aiguille qui s'en allait dans l'eau miraculeuse, après s'être entêtée 7 ans. Et tous s'exclamaient, amusés, riant d'aise, rayonnant, de voir que rien n'était impossible au ciel, que si le ciel l'avait voulu, ils seraient tous redevenus bien portants, jeunes et superbes. Il suffisait de croire et de prier ardemment pour que la nature fût confondue et que l'incroyable se réalisât. Ensuite, il n'y avait plus qu'une affaire de bonne chance, car le ciel semblait choisir. « Oh, père, que c'est beau !» murmura Marie qui avait écouté jusque-là, ranimée par la passion, muette de saisissement. Tu te souviens de ce que tu m'as conté toi-même, cette Joachine de Haut qui était venue de Belgique, qui avait traversé toute la France avec sa jambe tordue, couverte d'un ulcère dont la mauvaise odeur écartait le monde. D'abord, l'ulcère fut guéri. On pouvait serrer le genou, elle ne sentait rien, il ne restait qu'une petite rougeur. Puis, ce fut le tour de la luxation. Dans l'eau, elle hurla. Il lui sembla qu'on lui brisait les os, qu'on lui arrachait la jambe. et en même temps, elle et la femme qui la baignait virent le pied difforme se redresser avec la régularité d'une aiguille marchant sur un cadran. La jambe s'étendait, les muscles s'allongeaient, le genou se remettait en place, au milieu d'une douleur si forte que Joaquine avait fini par s'évanouir. Mais quand elle revint à elle, elle s'élança, droite et agile, pour porter ses béquilles à la grotte. Monsieur de Guersin, lui aussi, riait d'émerveillement, confirmait du geste ce récit qu'il tenait d'un père de l'Assomption. Il aurait pu, disait-il, raconter 20 cas semblables, plus touchants, plus extraordinaires les uns que les autres. Il en appelait au témoignage de Pierre, et celui-ci, qui ne croyait pas, se contentait de hocher la tête. D'abord, ne voulant point affliger Marie, il s'était efforcé de se distraire, de regarder au dehors les champs, les arbres, les maisons qui défilaient. On venait de dépasser Angoulême, des prairies s'élargissaient, des lignes de peupliers fuyaient dans le mouvement d'éventail continu de la vitesse. Sans doute on était en retard, car le train, lancé à toute vapeur, grondait sous l'orage, au travers de l'air en feu, dévorant les kilomètres. Et Pierre, malgré lui, entendait quand même des bouts de récit, s'intéressait à ces histoires extravagantes que berçaient les durs cahots des roues, comme si la locomotive, éperdue et lâchée, les eût tous conduits au divin pays des rêves. On roulait toujours, et il finit par cesser de regarder au dehors, par s'abandonner à l'air lourd et endormeur du wagon, où grandissait une extase, loin de ce monde réel qu'on traversait d'une course si rapide. Le visage ranimé de Marie le pénétrait de joie. Il lui abandonna sa main qu'elle avait prise pour lui dire, dans une étreinte, toute la confiance qui renaissait en elle. Pourquoi donc l'aurait-il découragée par son doute, puisqu'il souhaitait sa guérison? Aussi gardait-il avec une tendresse infinie cette petite main moite de malade, bouleversée de fraternité souffrante, voulant croire à la pitié des choses, à une bonté supérieure qui ménageait la douleur aux désespérés. « Oh, Pierre ! » répéta-t-elle. « Que c'est beau ! Que c'est beau ! Et quelle gloire ! Si la Sainte Vierge veut bien se déranger pour moi ! « Vraiment, croyez-vous que j'en sois digne ?»« Certes, s'écria-t-il, vous êtes la meilleure et la plus pure, une âme toute blanche, comme disait votre père, et il n'y a pas assez de bons anges dans le paradis pour vous faire escorte. » Mais ce n'était pas fini. Sœur Hyacinthe et Madame de Jonquière, maintenant, disaient tous les miracles qu'elles savaient, la longue suite des miracles qui, depuis plus de 30 ans, fleurissait à Lourdes, comme la floraison ininterrompue des roses sur le rosier mystique. On les comptait par milliers. Ils repoussaient chaque année, avec une verdeur de sève prodigieuse, plus éclatant à chaque saison. Et les malades, écoutant ces merveilles dans une fièvre croissante, étaient pareils aux petits enfants qui, après un beau conte de fées, en veulent un autre, et un autre, et un autre encore. Oh, encore, encore des histoires où la réalité mauvaise est bafouée, où l'injuste nature est souffletée, où le bon Dieu intervient comme le guérisseur suprême, celui qui se moque de la science et qui fait du bonheur à sa guise. Ce furent d'abord les sourds et les muets qui entendaient et qui voyaient. Aurélie Bruno, incurable, le tympan brisé, qui tout d'un coup est ravi par les sons célestes d'un harmonium. Louise Pourchet, muette depuis 45 ans, qui, en prière devant la grotte, s'écrie soudain « Je vous salue Marie !» Et d'autres, des centaines d'autres qui sont radicalement guéris pour avoir versé quelques gouttes d'eau dans leurs oreilles ou sur leur langue. Puis les aveugles défilèrent. Le père Hermann, qui sentit la main douce de la Sainte Vierge lui enlever le voile qu'il avait sur les yeux. Mademoiselle de Pontbriand, menacée de perdre les deux yeux et recouvrant une vue meilleure que jamais, à la suite d'une simple prière. Un autre, un enfant de 12 ans, dont les cornets ressemblaient à des billes de marbre, et qui retrouva, en 3 secondes, des yeux clairs et profonds, où les anges semblaient sourire. Mais surtout, ce sont les paralytiques qui abondent, les misérables perclus des deux jambes, les infirmes gisant sur leur lit de misère, auxquels le Seigneur dit « Lève-toi et marche ». Delaunoy, ataxique, cautérisé, brûlé, pendu, rentré 15 fois dans les hôpitaux de Paris, d'où il rapporte les diagnostics concordant de 12 médecins, sent une force qui le soulève sur le passage du Saint-Sacrement et se met à le suivre, les jambes saines. Marie-Louise Delpont, âgée de 14 ans, dont la paralysie avait raidi les jambes, rétracté les mains, tiré la bouche de côté, voit ses membres se dénouer, la contorsion de sa bouche disparaître, comme si une main invisible coupait les affreux liens qui la déformaient. Marie Vachier, clouée depuis 17 ans dans son fauteuil par la paraplégie, non seulement court et vole au sortir de la piscine, mais ne retrouve même plus la trace des plaies dont sa longue immobilité avait couvert son corps. Et Georges Anquet, atteint de ramollissement à la moelle épinière, d'une insensibilité absolue, passe sans transition de l'agonie à une santé parfaite. Et Léonie Charton, une autre ramollie de la moelle, dont les vertèbres font une saillie considérable, sent fondre sa bosse comme par enchantement, pendant que ses jambes se redressent, des jambes neuves et vigoureuses. Ensuite, ce furent toutes sortes de maux. D'abord, les accidents de la scrofule, encore des jambes perdues et refaites. Marguerite Geyer, malade d'une coxalgie depuis 27 ans, la hanche dévorée par le mal, le genou droit ankylosé, tombant brusquement à genoux pour remercier la Sainte Vierge de sa guérison. Philomène Simoneau, la jeune Vendéenne, la jambe gauche trouée par 3 plaies horribles, au fond desquelles les os cariés, à découvert, laissaient tomber des esquilles et dont les os, la chair et la peau se reforment. Puis vinrent les hydropiques. Madame Ancelin, dont les pieds, les mains, le corps entier se dégonfla, sans qu'on pût savoir où toute l'eau était passée. Mademoiselle Montagnon, dont on avait retiré à plusieurs reprises 22 litres d'eau, et qui, enflée de nouveau, se vida sous la simple application d'une compresse trempée à la source miraculeuse, sans qu'on retrouvât non plus rien, ni dans le lit, ni sur le plancher. Et, de même, pas une maladie de l'estomac ne résiste. Toutes disparaissent au premier verre. C'est Marie Souchet qui vomit du sang noir, d'une maigreur de squelette, et qui dévore, qui retrouve son embonpoint en 2 jours. C'est Marie Jarlan qui s'est brûlé l'estomac en buvant par erreur un verre d'eau de cuivre et qui sent la tumeur, venue à la suite, se fondre. Du reste, les plus grosses tumeurs s'en vont de la sorte, dans la piscine, sans laisser la moindre trace. Mais ce qui frappe les yeux davantage, ce sont les ulcères, les cancers, toutes les horribles plaies apparentes qu'un souffle d'en haut cicatrise. Un juif, un comédien, la main dévorée par un ulcère, n'eut qu'à la tremper et fut guéri. Un jeune étranger, immensément riche, affligé au poignet droit d'une loupe grosse comme un œuf de poule, la vit se dissoudre. Rose Duval, qui par la suite d'une tumeur blanche avait au coude gauche un trou à y loger une noix, put suivre le travail prompt de la chair neuve qui comblait ce trou. La veuve Fromont, dont la lèvre était à moitié détruite par un cancer, n'eut qu'à se la lotionner et il ne resta pas même une couture. Marie Moreau, souffrant affreusement d'un cancer au sein, s'endormit après avoir appliqué un linge imbibé d'eau de Lourdes. Et quand elle se réveilla, 2 heures plus tard, la douleur avait cessé, la chair était nette d'une fraîcheur de rose. Enfin, Sœur Hyacinthe entama les cures immédiates et radicales de phtisie. Et c'était le triomphe, la terrible maladie qui ravageait l'humanité, que les incrédules défiaient la Sainte Vierge de guérir, qu'elle guérissait pourtant, disait-on, d'un seul geste de son petit doigt. 100 cas, plus extraordinaires les uns que les autres, se pressaient, débordaient. Marguerite Coupel, phtisique depuis 3 ans, le sommet des poumons mangé par les tubercules, se lève et s'en va, éclatante de santé. Madame de la Rivière, qui crache le sang, couverte d'une continuelle sueur froide et dont les ongles sont violacés, sur le point d'exhaler son dernier souffle, n'a besoin que de boire une petite cuillerée d'eau qu'on verse entre ses dents. Tout de suite, le râle cesse, elle s'assoit, répond aux litanies, demande un bouillon. Il faut à Julie Jadot 4 cuillerées. Mais elle ne soutenait déjà plus sa tête. Elle était d'une constitution si délicate que le mal semblait l'avoir fondue. En quelques jours, elle devient très grasse. Anna Catry, au degré le plus avancé, le poumon gauche à moitié détruit par une caverne, est plongée 5 fois dans l'eau froide, contrairement à toute prudence. Et elle est guérie, le poumon est sain. Une autre, une jeune fille poitrinaire, condamnée par 15 médecins, n'a rien demandé, s'est simplement agenouillée à la grotte, par hasard, toute surprise ensuite d'avoir été guérie ainsi au passage, au raccroc, sans doute à l'heure où la Sainte Vierge, apitoyée, laisse tomber le miracle de ses mains invisibles. Des miracles encore! Il pleuvait comme des fleurs du rêve, par un ciel clair et doux. Il y en avait de touchants, et il y en avait d'enfantins. Une vieille femme, qui, la main ankylosée, ne pouvait plus la remuer depuis 30 ans, se lave et fait le signe de la croix. La sœur Sophie, qui aboyait comme une chienne, se plonge dans l'eau, en sort la voix pure, chantant un cantique. Mustapha, un Turc, invoque la Dame Blanche et recouvre l'œil droit en y appliquant une compresse. Un officier de Turcos a été protégé à Sedan. Un cuirassier de Reichshofen serait mort d'une balle au cœur si cette balle, qui avait traversé son portefeuille, ne s'était arrêtée devant une image de Notre-Dame de Lourdes. Et les enfants, les pauvres petits qui souffrent, eux aussi trouvaient grâce. Un gamin de 5 ans, paralytique, déshabillé et tenu pendant 5 minutes sous le jet glacé de la fontaine, se leva et marcha. Un autre, de 15 ans, qui ne poussait dans son lit qu'un grognement de bête, s'élança de la piscine en criant qu'il était guéri. Un autre, de 2 ans, un tout petit, celui-là, qui n'avait jamais marché, resta un quart d'heure dans l'eau froide, puis ragaillardi, souriant, ainsi qu'un petit homme, fit ses premiers pas. Et pour tous, pour les petits comme pour les grands, les douleurs étaient vives pendant que le miracle opérait, car le travail de réparation ne pouvait se faire sans une secousse extraordinaire de toute la machine humaine. Les os se régénéraient, la chair repoussait, le mal chassé s'échappait en une convulsion dernière. Mais quel bien-être ensuite ! Les médecins n'en croyaient pas leurs yeux. Leur étonnement éclatait à chaque guérison en voyant leurs malades courir, sauter, manger avec un appétit dévorant. Toutes ces élues, ces femmes guéries faisaient 3 kilomètres, s'attablaient devant un poulet, dormaient 12 heures à poings fermés. Aucune convalescence du reste, une saute brusque de l'agonie à la pleine santé. Les membres remis à neuf, les plaies bouchées, les organes rétablis dans leur intégrité, l'embonpoint revenu, tout cela en un coup de foudre. La science était bafouée. On ne prenait pas même les précautions les plus simples, baignant les femmes à toutes les époques du mois, plongeant les phtisiques en sueur dans l'eau glacée, laissant les plaies à leur putréfaction, sans aucun soin antiseptique. Puis, à chaque miracle, quel cantique d'allégresse, quel cri de reconnaissance et d'amour! La miraculée se jette à genoux, tout le monde pleure, des conversions s'opèrent, des protestants et des juifs embrasse le catholicisme, autre miracle de la foi dont le ciel triomphe. Les habitants du village vont en foule attendre la miraculée sur la route, pendant que les cloches sonnent à la volée. Et quand on la voit sauter lestement de la voiture, des cris, des sanglots de joie éclatent. On entonne le Magnificat. Gloire à la Sainte Vierge, reconnaissance et tendresse éternelle à la Mère de Dieu. De toutes ces espérances réalisées, de toutes ces ardentes actions de grâce, ce qui se dégageait, c'était cette gratitude à la Mère très pure, à la Mère admirable. Elle était la grande passion de toutes les âmes, la Vierge puissante, la Vierge clémente, le miroir de justice, le trône de sagesse. Toutes les mains se tendaient vers elle. Rose mystique dans l'ombre des chapelles, tour d'ivoire à l'horizon du rêve, porte du ciel ouvrant sur l'infini. Dès l'aurore de chaque journée, elle luisait, claire étoile du matin, gaie de jeune espoir. N'était-elle pas encore la santé des infirmes, le refuge des pécheurs, la consolatrice des affligés? La France avait toujours été son pays aimé. On l'y adorait d'un culte fervent, le culte même de la femme et de la mère, dans une envolée de tendresse brûlante. Et c'était en France surtout qu'elle se plaisait à se montrer aux petites bergères. Elle était si bonne aux petits, elle s'occupait continuellement d'eux. On ne s'adressait si volontiers à elle que parce qu'on la savait l'intermédiaire d'amour entre la terre et le ciel. Chaque soir, elle pleurait des larmes d'or aux pieds de son divin fils pour obtenir de lui des grâces. Et c'était les miracles qui lui permettaient de faire ce beau champ fleuri de miracles, odorant comme les roses du paradis, si prodigieux d'éclat et de parfum. Le train roulait, roulait toujours. On venait de traverser Coutras, il était 6 heures, et sœur Hyacinthe, se levant, tapa dans ses mains en répétant une fois encore « L'Angélus, mes enfants !» Jamais les avés ne s'étaient envolés dans une foi plus vive, plus attisée par le désir d'être entendu du ciel. Et Pierre, alors, comprit brusquement, eut l'explication nette de ces pèlerinages, de tous ces trains qui roulaient par le monde entier, de ces foules accourues, de lourdes flamboyant là-bas, comme le salut des corps et des âmes. Ah, les pauvres misérables qu'ils voyaient depuis le matin, râler de souffrance, traîner leur triste carcasse dans la fatigue d'un tel voyage. Ils étaient tous des condamnés, des abandonnés de la science, là d'avoir consulté les médecins, d'avoir tenté la torture des remèdes inutiles. Et comme on comprenait que, brûlant du désir de vivre encore, ne pouvant se résigner sous l'injuste et indifférente nature, ils fissent le rêve d'un pouvoir surhumain, d'une divinité toute puissante qui peut-être allait, en leur faveur, arrêter les lois établies, changer le cours des astres et revenir sur sa création. Dieu ne leur restait-il pas si la terre leur manquait? La réalité pour eux était trop abominable. Il leur naissait un immense besoin d'illusions et de mensonges. Oh, croire qu'il y a quelque part un justicier suprême qui redresse les torts apparents des êtres et des choses. Croire qu'il y a un rédempteur, un consolateur qui est le maître, qui peut faire remonter les torrents à leur source, rendre la jeunesse aux vieillards, ressusciter les morts. Se dire quand on est couvert de plaies, qu'on a les membres tordus, le ventre enflé de tumeurs, les poumons détruits. Se dire que cela n'importe pas, que tout peut disparaître et renaître sur un signe de la Sainte Vierge, et qu'il suffit de prier, de la toucher, d'obtenir d'elle la grâce d'être choisie. Et alors, quelle fontaine céleste d'espérance, lorsque se mettait à couler le flot prodigieux de ces belles histoires de guérison, de ces contes de fées adorables qui berçaient, qui grisaient l'imagination enfiévrée des malades et des infirmes. Depuis que la petite Sophie Couteau, avec son pied blanc guéri, était monté dans ce wagon, ouvrant le ciel illimité du divin et du surnaturel, comme l'on comprenait le souffle de résurrection qui passait, soulevant peu à peu les plus désespérés de leur couche de misère, faisant luire les yeux de tous, puisque la vie était encore possible pour eux et qu'ils allaient peut-être la recommencer. Oui, c'était bien cela. Si ce train lamentable roulait toujours, si ce wagon était plein, si les autres étaient pleins, si la France et le monde, du plus loin de la terre, étaient sillonnés par des trains pareils, si des foules de 300 000 croyants, charriant avec elles des milliers de malades, se mettaient en branle d'un bout de l'année à l'autre, c'était que, là-bas, la grotte flambait dans sa gloire, comme un phare d'espoir et d'illusion, comme la révolte et le triomphe de l'impossible sur l'inexorable matière. Jamais roman plus passionnant n'avait été écrit pour exalter les âmes au-dessus des rudes conditions de l'existence. Rêver ce rêve, là était le grand bonheur ineffable. Les pères de l'Assomption n'avaient vu d'année en année s'élargir le succès de leur pèlerinage que parce qu'ils vendaient aux peuples accourus de la consolation, du mensonge, ce pain délicieux de l'espérance dont l'humanité souffrante a une continuelle faim, que rien n'apaisera jamais. Et ce n'était pas seulement les plaies physiques qui criaient du besoin d'être guéries. Tout l'être moral et intellectuel clamait sa misère dans un désir insatiable de bonheur. Être heureux, mettre la certitude de sa vie dans la foi, s'appuyer jusqu'à la mort sur ce solide bâton de voyage, tel était le désir qui sortait de toutes les poitrines, qui faisait s'agenouiller toutes les douleurs morales, demandant la continuation de la grâce, la conversion des êtres chers, le salut spirituel de soi-même et de ce qu'on aime. L'immense cri se propageait, montait, emplissait l'espace. Être heureux à jamais, dans la vie et dans la mort. Et Pierre les avait bien vus tous, les souffrants qui l'entouraient. Ne plus sentir les chaos des roues, retrouver des forces, à chaque lieu dévoré qui les rapprochait du miracle. Madame Maz elle-même devenait bavarde, dans la certitude que la Sainte Vierge lui rendrait son mari. Madame Vincent, souriante, berçait doucement la petite Rose, en la trouvant bien moins malade que ses enfants à demi-morts qu'on plongeait dans l'eau glacée et qui jouaient. Monsieur Sabatier plaisantait avec Monsieur de Guersin, lui expliquait qu'en octobre, quand il aurait des jambes, il irait faire un tour à Rome, un voyage qu'il remettait depuis 15 ans. Madame Vêtu, calmée, l'estomac tiraillé seulement, croyant qu'elle avait faim, demandait à Madame de Jonquière de lui laisser tremper des mouillettes de biscuits dans un verre de lait. Tandis qu'Élise Rouquet, oubliant sa plaie, mangeait une grappe de raisin à visage découvert. Et la Grivotte, assise sur son séant, et le frère Isidore, qui avait cessé de se plaindre, gardaient de tous ces beaux contes une telle fièvre heureuse qu'ils s'inquiétaient de l'heure, ayant l'impatience de la guérison. Mais l'homme, surtout, pendant une minute, ressuscita. Comme sœur Hyacinthe essuyait de nouveau la sueur froide de son visage, il ouvrit les paupières, tandis qu'un sourire éclairait un instant sa face. Une fois encore, il avait espéré. Marie gardait, dans sa petite main tiède, la main de Pierre. Il était 7 heures, on ne devait être à Bordeaux qu'à 7h30, et le train en retard, pour rattraper les minutes perdues, hâtait de plus en plus sa marche dans une vitesse folle. L'orage avait fini par couler, une douceur infiniment pure tombait du grand ciel clair. Oh, Pierre, que c'est beau, que c'est beau, répéta de nouveau Marie en lui serrant la main de toute sa tendresse. Et, se penchant vers lui et à demi-voix, Pierre, j'ai vu la Sainte Vierge tout à l'heure, et c'est votre guérison que j'ai demandée et obtenue. » Le prêtre, comprenant, fut bouleversé par les yeux de divine lumière qu'elle fixait sur les siens. Elle s'était oubliée, elle avait demandé sa conversion. Et ce souhait de foi qui sortait candide de cette créature souffrante et si chère lui retournait l'âme. Pourquoi donc ne croirait-il pas un jour? Lui-même restait éperdu de tant de récits extraordinaires. La chaleur étouffante du wagon l'avait étourdi. La vue des misères entassées là faisait saigner sa chair pitoyable. Et la contagion agissait. Il ne savait plus bien où s'arrêtaient le réel et le possible, incapable, au milieu de cet amas de faits stupéfiants, de faire le partage, d'expliquer les uns et de rejeter les autres. Un moment, comme un cantique de nouveau s'élevait, l'emportait au fil entêté de son obsession, il ne s'appartint plus, il s'imagina qu'il finissait par croire, dans le vertige halluciné de cet hôpital roulant, roulant toujours à toute vapeur. »